cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dans le cours précédent, on a étudié ensemble le premier burhan, la première preuve, aqliya, sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur son unicité. Et c'est la preuve la plus importante, et c'est la base. La base de ce livre et de toutes les preuves qui viendront après. Aïe, anna, toutes ces créatures que l'on voit, que l'on connaît, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé azza wa jal, فالذي يتأمل في هذا, il n'aura aucun doute que ces créatures, elles ont un créateur. Que ces créatures, elles ne sont pas venues hakada, toutes seules, du néant. Que ces créatures, elles ne se sont pas créées elles-mêmes. كما قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون هذا الأصل il est très très important. كذلك تقدم معنا أن parmi البراهين القوية qui prouve l'existence d'Allah سبحانه وتعالى et son unicité التفكر في خلق الإنسان وخلق هذه المخلوقات et le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, belle sur nous-mêmes. هذا الخلق العجيب. Et cette créature, avec cette complexité, avec هذا التنظيم, chaque chose est à sa place. Avec هذه العجائب, des choses surprenantes, des choses immenses. هذا لا شك, ça montre أن الخالق سبحانه, le créateur, il est parfait. Et c'est lui qui gère tout. On avait cité dans le dors précédent أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة وهكذا dans الشفاء العليل لكن dans مفتاح دار السعادة توسع أكثر il a cité beaucoup de choses أي pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala en citant des exemples sur le corps humain sur les animaux sur les cieux la terre la lune le soleil beaucoup de choses pour montrer al-hikma. Et à chaque fois, rahmatullah alayh, il montre, il yarud ala al-malahida, et les athées, ceux qui renient an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Et à partir de, non, aujourd'hui on ne pourra pas, il y en a le temps, il est dhayyiq, lakin imma demain, imma samedi, ou peut-être qu'on laissera même à dimanche, inshallah, pour la conférence, en lire des passages de هذا الكلام. Ça sera un rappel بإذن الله عز وجل pour الملاحدة, pour les athées. Et ça sera كذلك pour nous une course pour augmenter notre foi et كذلك pour détailler plus la parole de Cheikh Saadi رحمة الله عليه. Lire des passages des paroles de l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله من مفتاح دار السعادة خاصة pour argumenter أكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. On remet cela à إما demain, إما samedi ou dimanche. على كل حال, dans quelques jours, on espère بإذن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله وأوقاته. هذا كذلك سمين البراهين العقلية كي بروف الاكزيستانس دالله سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة التي وسعت كل شيء كما أخبر الله عز وجل لا ميزيغيكورد دالله سبحانه وتعالى كي تشوفوا autour de toi sur toi-même et sur les autres. هذه الرحمة البروف كوا ست ميزيغيكورد كهناك يان كرياتور يان كرياتور كي رحيم كي باردن qui fait miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rahim, c'est le halim, c'est le rafiq, c'est le ra'ouf, c'est arhamu rahimin. Qala, wa shamalat kulla makhlouq fi kulli ahwalihi wa awqati. Cette miséricorde, elle englobe toute la création. À chaque moment, à chaque endroit. Qala, fa bi rahmatihi awjad al makhlouqat. Hada al burhan, kama taqaddam, il suffit. Aïe, un tas d'où tu viens. Est-ce que tu t'es créé toi-même là? Est-ce que quelqu'un pourrait accepter qu'on est venu hakada? Abadan, tu n'acceptes pas cela et personne n'accepte que cette petite chose qui est en face de toi, Robama, ce stylo, si Wahad te dit il est venu tout seul, on répète Hadar Burhan, l'imadali, il est très très important. Ce stylo qu'on a l'un entre les mains, oh, j'espère que tout le monde a pour prendre des notes, ce stylo, Annahu, là où on dit à un mulhid qui rejette et qui prétend qu'il n'y a pas de créateur, on lui dit, ce stylo, il est venu tout seul. C'est une note que tu vois, le stylo, il est venu tout seul, il les a écrits tout seul. Là, j'ai rien fait, je regarde. Est-ce qu'il va accepter? Il n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais. C'est-à-dire là, ce stylo, forcément, il a une marque, c'est une société, une entreprise qui a fabriqué ce stylo. Thomas, ce stylo, il a été stocké. Thomas, il a été vendu. Thomas, tu l'as acheté. Thomas, tu as pris ce stylo pour écrire. Là, donc, si on revient à nous, et un, tu viens d'où? Ce stylo, donc, tu n'acceptes pas qu'il soit venu tout seul, qu'il ait été fabriqué tout seul. Anta, tu viens d'où? Anta, tu viens d'où? Cette cause, l'un, ton père et ta mère, ils viennent d'où? Hakada, si l'insan est réfléchi, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter l'existence du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Qala wa bi rahmatihi abqaha wa hafidhaha. وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج إليه وهكذا الإنسان toute cette durée de vie que tu as passée et que tu passeras si Allah subhanahu wa ta'ala y veut toutes ces épreuves que tu as subies ces maladies les dangers que tu as affrontés et tu es toujours là toutes ces tristesses qui sont passées ces angoisses ولله الحمد c'est passé هذا ça vient d'où لا شك أن هناك رب رحيم كي ميزيريكورديو أنفير سا كرياتور قال وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة كما قال عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة et toutes ces نعم cette air que tu respires cette eau que tu bois cette nourriture que tu manges tous les jours ces déplacements ces enfants que tu as tout ça ça vient d'où فالإنسان لو تأمل si l'être humain réfléchirait vers هذا الباب ça le pousserait à أولا à une réflexion ثم à être reconnaissant لو الآن même le كافر même le موحد si on prend l'exemple de l'athée si واحد il lui rend service ça le touche c'est pour ça que tu trouves certains athées quand quelqu'un leur rend service ils sont reconnaissants Et parlons bien de lui, Obama, il lui donne quelque chose en échange, de l'argent, un cadeau. L'être humain, et il est comme ça, il a été créé comme ça. Donc on dit, nous, à cet athée, cette vie, ces enfants, cette maison, cette voiture, cette nourriture, cette santé, tout ça, ça vient d'où? Qala, rahimahullah, التي لا يمكن أن يخلو مخلوق منها طرفة عين وهي متنوعة عليه من كل وجه. نعم, personne. Il y en a, si on dit à cet athée, nous on croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné chaque bienfait. Et on lui dit si on prend qu'un bienfait, l'oxygène, si Allah subhanahu wa ta'ala te l'enlève, tu ne pourras plus rien faire. Qala, ni'amu ta'lim li umur din wa dunya. Ça c'est un bienfait. At-ta'lim, et la science, que ce soit dans le domaine du din ou le domaine de ce bas monde, maintenant la médecine, ces nouvelles technologies, tout ça, ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ونعم العافية للأبدان عموما la bonne santé ولكل عضو وقوة على وجه الخصوص. نعم. قال ولكل عضو كأنه الواو للزائد كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرزاق qu'il a expliqué هذه الرسالة avec une explication طيبة وبينا أن لعل الواو للزائدة ولكل عضو قوة على وجه الخصوص فكأن القوة صفة للعضو أي chaque membre il a une قوة على وجه الخصوص لعله سأقرب قال ونعم الأولاد والأهل والأتباع ça c'est une نعمة عظيمة cette épouse que tu as ces enfants que tu as ces parents cette famille L'insan, si un membre de sa famille, un de ses proches, il est touché par quelque chose, ça lui fait du mal. Enfin, n'oublie pas que ce bien, cette famille qui est présente et que tu aimes, qui c'est qui te l'a donné? Qala, ونعم الأرزاق الواسعة تسكي من الأرزاق إلى سبزيستانس، ونعم الحروث والزروع والثمار أي تسكي ليا لا نوريتور، ونعم المواشي وأصناف الأمتعة les moyens de transport, al mawashik à l'époque, les animaux de nos jours, kadalik certaines bêtes et kadalik les moyens de transport de nos jours. قال ونعم الدور والقصور les demeures ونعم اللذات والحبور الحبور أي السرور أي tout ce qui te fait du bien et tout ce qui te rend heureux. قال النعم التي فيها جلب المنافع كلها والنعم التي فيها دفع المضار tous les bienfaits. Tu profites, que ce soit niveau santé, nourriture, et la akhirah, t'en profites, ou les ni'am qui t'aident à repousser un mal, ou des choses mauvaises. Qala, kullu dhalik yadul akbar dalalatan ala wahdaniyati muwalliha wa musdiha wal mutafaddil biha, wa ala sa'ati karamihi wa wujub shukrihi wal khudu'i lah, wa ikhlasi l'amali lah. Tout ça, ça montre que hadhihi ni'am, tous ces bienfaits, ils ne sont pas venus seuls. Tous ces bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à la créature, elles viennent du créateur. قَالَ أَفَمَنْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقْ. Est-ce que celui qui crée, il est comme celui qui ne crée pas? Ça nous montre أَنَّ الْمَخْلُقْ لَا بُدْ وَلَا شَكْ وَلَا رَيْ أَنَّهُ instinctivement dans sa fitra, il reconnaît le créateur. أَفَمَنْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقْ. لماذا لأن la raison elle accepte cela, elle feutra, elle accepte cela. لكن pourquoi بعض الناس ils ne croient plus? لأنهم ils ont leur feutra plutôt leur raison elle a été souillée par des idées corrompues, par de la mécréance. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. Chaque enfant est né à la fitra. Chaque enfant est né et il sait au fond de lui, il accepte au fond de lui qu'il y a un créateur. ولكن c'est les parents فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est les parents, إما ils le rendent juif, إما chrétien, إما من المجوس et كذلك من الملاحدة. Combien d'enfants plus tard c'est devenu des adultes, des athées? Pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés par des athées. لهذا نحن من باب الدعوة on doit essayer de montrer à هؤلاء et d'essayer de refaire vivre bi'idnillahi azza wa jal هذه الفطرة. Il y en a ceux qui ont perdu cette fitra, ça ne veut pas dire qu'ils ne la retrouveront jamais. Abadan. Bel ba'dhum, elle est au fond d'eux, il faut faqat la chercher, la retirer, leur montrer avec l'ilm, avec le bon comportement, la'allahum yahtadoun. قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم توت لي نعم سمن الله عز وجل. قال ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار. Après avoir cité les ni'am, c'est un burhan عقلي, c'est une preuve rationnelle qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces bienfaits qu'on profite nuit et jour, matin et soir. الشيخ رحمه الله il a cité أحوال المضطرين. المضطرين c'est celui qui est en difficulté, celui qui souffre, celui qui est malade, celui qui est pauvre, celui qui est angoissé, celui qui est triste. قال والمشرفين على الأخطار, et ceux qui sont exposés au danger. والبائسين من فقرهم المدقع, ceux qui souffrent à cause de la pauvreté. أو مرضهم الموجع, ceux qui souffrent à cause d'une maladie. وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم. هؤلاء en général dans cette situation ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même بعض الكفار, بل ils sont partis très très loin dans la mécréance quand ils subissent une épreuve ou ils sont face à un danger, ils se rappellent et ils demandent et ils espèrent من الله سبحانه وتعالى le créateur. قال الداعين مفتقرين والسائلين له ومستعطين فيجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم ويرفع ضروراتهم. Qui c'est qui répond à l'appel de haoula? مثلا ce malade qui a été guéri, qui c'est qui l'a guéri? Le fait d'être soigné à l'hôpital, c'est des causes. La preuve c'est que certains ils sont malades et ils sont à l'hôpital depuis des mois, des années, ils sont toujours malades et ils ne sont pas guéris. Et d'autres, Ils n'ont même pas fait ces causes, il par un manque de moyens, il par un manque de temps ou autre cause, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les guérit. Ça vient d'où, hala? Kedalik, ce pauvre qui retrouve de l'argent, kedalik, ce riche qui perd son argent, ça vient d'où tout cela? Qala, alaysa fi hada akbar burhan ala wahdaniyatihi wa sa'ata ilmihi wa rahmatihi wa daqiq lutfih wa annahu malja'ul khaliqa kulliha. Ça, c'est un dalil azim. Ça, c'est une preuve que la raison, elle accepte أن هذا التحول من حال إلى حال. أن الإنسان il est malade, ثم il est guéri. أن il est pauvre, ثم ولله الحمد, il trouve de quoi vivre. أنه il est angoissé, ثم ولله الحمد, son angoisse, elle disparaît. هذا, ça montre أن هناك رب ورحيم qui gère هذا الكون, qui fait miséricorde à ses عباد. وإلا فكي c'est qui soigne ou qui c'est qui guérit cet être humain? D'où elle vient cette guérison? Non, il y aurait pas de khaliq, l'insan il est malade, il resterait malade hatta yahlak. Lakin hada, ça montre que ce changement de situation, anna hunak khaliqun, un créateur qui gère tout. C'est pour ça que les choses elles changent. Et hada tastafid minhu une fa'ida azima, ne désespère jamais akhi al-karim. Surtout toi qui es croyant. Pourquoi désespérer alors que tu es croyant? Tu es croyant en quoi? Ou tu crois à qui? Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Rahim, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Ra'ouf, c'est le Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, il pardonne, il est miséricordieux. Falimada désespéré. Même si on parle niveau din, tu as fait des péchés, tu as fait des erreurs, tu as eu des manquements. Limada désespéré. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Tawwab, il accepte le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Hadi, c'est lui qui guide. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, demande-lui, il te pardonne, c'est l'afou, c'est le ghafour. Hadihi al-barahin, si on médite, en plus, walillahi alhamd, en tant que croyant, tu as had al-kitab, al-huda wal-nur, al-qur'an, alhamdulillah, tu seras toujours fi sa'ada. Tu as des manquements, tu as des problèmes, tu seras heureux. Limadha li'anna, tu as des bases solides, et si tu as walillahi alhamd, la bonne santé, de l'argent, il a akhir, ça te rajoutera de la foi et tu seras reconnaissant. Limada li anna, tu es convaincu que hada al-kawn, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère. Cet univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère. Qala wa qad nabbaha Allah ala hada al-burhan al-aqli bi qawlihi amman yujibu al-muttar idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma'a Allah. Ta'ammal ce verset. On finit les anna, la deuxième partie, c'est le même verset. C'est le même verset, lakin il a résumé. Ta'ala Allah amma yushrikoun. Naam, et fil hashiya, il a cité le muhakkik le verset, les deux versets entiers. Il y en a ces deux versets. Faqoulu amman yujib al muttar idha da'a. Et qui c'est qui répond au muttar? Al muttar, donc c'est celui qui est en difficulté. Qui c'est qui lui répond quand il demande? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. السوء c'est le mal, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être une angoisse. Qui c'est qui fait disparaître cette chose? ويجعلكم خلفاء الارض. Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité si tu as une responsabilité? Il m'a tué un père de famille, il m'a tué un chef d'entreprise, il m'a tué un gouverneur, il m'a مهم, chacun il a une certaine responsabilité. Qui c'est qui t'a donné هذا? Qui c'est qui nous a donné مثلا le dessus sur beaucoup de ces créatures, maintenant certaines bêtes. Tu trouves un enfant de 5, 6, 7, 8 ans, avec toutes ses faiblesses, c'est lui qui dirige un animal de 200 ou 300 kilos. Et l'animal, il dit rien, il le suit. Un chameau, un cheval, une vache. Tu trouves des enfants très très petits, ils s'occupent de troupeaux de bêtes. Alors qu'une bête parmi ces bêtes, elle pourrait anéantir, elle pourrait piétiner cet enfant. Qui c'est qui a fait que cet être humain, ces animaux, ils obéissent à cet être humain, même s'il est petit, même s'il a des faiblesses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier tout cela. Qala, wa yaj'alukum khulafa' al-ard, a ilahun ma Allah. Ta'ammal, après avoir cité ses bienfaits, et après avoir cité toutes ses ni'am, Allah subhanahu wa ta'ala qala, a ilahun ma Allah. Et pour te montrer هذا البرهان. Et si tu réfléchis, tu sauras très bien qu'il n'y a pas d'ilah avec Allah subhanahu wa ta'ala. A ilahun ma Allah. Et est-ce que après tout cela, une créature elle mérite d'être adorée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan, si on reconnaît tout cela, ça doit nous pousser au tawhid. Et on répète, c'est le fruit de cette risala. Le fruit de hadhihi al-ma'rifa. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabb. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms parfaits, des attributs parfaits. Et le reconnaître en tant que créateur, ça doit nous pousser à l'adorer seul. Wa illa va, ça n'est d'aucune utilité. Et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur, ça ne suffit pas. Si c'est le créateur, on doit l'adorer. Ilahun ma'allah. Ta'ammal, après avoir cité ces choses qui nous poussent à le reconnaître en tant que créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité هذا اللفظ العظيم. Il fait partie de ces noms, al-ilah. Ilahun ma'allah. Est-ce qu'il y a un ilah, quelqu'un qui mérite l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma qala, à la fin du verset, du deuxième, ta'ala Allahu amma yushrikun. Toujours dans At-Tawhid. Qala wa qawluhu la'in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin. Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ard bighayri al-haq. Kadhalik, dans Al-Hashiya, il a cité le début et la fin de ces versets. Qala wa hadha an-nawl huwa takhlisu al-muttarrin qad shahadathu al-khaliqatu bi'ayunihim. ورأوا من الواقع ما لا يعد ولا يحصى وهذا يضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانيته. Combien de personnes étaient dans des situations délicates? أحيانا tu te retrouves dans une situation ما تدري. Est-ce que tu vas réussir à t'en sortir أم لا? Des problèmes de toutes parts, tu es angoissé, tu ne sais plus comment faire. Et في هذا الحال, si tu lèves tes mains et tu demandes à Allah سبحانه وتعالى الواحد القهار, Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond « Amma yujib al-muttar ida da'a ». Thumma, du jour au lendemain, très rapidement, la situation, elle change. Les problèmes, ils disparaissent. Et alhamdulillah, les choses, elles redeviennent comme elles étaient au mieux. Ce changement, il vient d'où? Il vient comment? On répète, là où l'insan an si wahad, ta'ammal. On citera souvent cet exemple, c'est la base. Maintenant, on est assis dans cette pièce, et avec un athée, et on dit à cet athée, est-ce que tu penses que ce livre, hein, ce livre qui est à ma droite, et on est à cet endroit de cette pièce, ce livre, il peut se déplacer à l'autre bout de la pièce tout seul. Est-ce que c'est possible? Il va dire là. Il va dire qu'il va se déplacer tout seul. Et on va ajouter dans notre argument, si on veut que ce livre, il se retrouve à l'autre bout de la pièce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'un de nous, il prenne le livre et il le mette hunak. Et il le mette au bout de la pièce. Il va dire l'un. On va dire, comment tu crois que toutes ces situations qui changent l'un? Ah, il est triste, thumma il est plus triste. Ah, il avait un manque d'argent, wallah ilhamd, il a plus de manque d'argent. Ah, il est malade, wallah ilhamd, il est guéri. Ah, il est égaré, thumma il est guidé. Tout ça, ça se fait tout seul. Tu n'as pas accepté ce déplacement de quelques centimètres. Tu ne l'accepteras pas. L'imam d'Allah, elle a la raison, elle ne l'accepte pas. C'est comme ça. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est capable. Et il y a déjà des choses qui se sont déplacées sans cause. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Kun fayakun. Lakin, la base, c'est que ce déplacement, il faut qu'il y ait une cause. Donc, il n'accepte pas. Comment donc rejeter toutes ces choses tous les jours qui se passent, fi hadha al-kun, tous ces changements? Hakada, ça se fait tout seul. Qala, fandur ila halat al-muttarrin. Idha كربتهم الشدائد وأزعجتهم النوائب كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله. والله مم الكفار. Beaucoup d'entre eux, quand ils se retrouvent dans cette situation, من الاضطرار والشدة والكرب, difficulté, angoisse, أنهم يفوايه, toutes les portes se fermer autour d'eux, بل بعض الملاحدة, dans ce cas, même certains athées, dans ce cas, ils ressentent ce besoin. أنهم, ils ont besoin de demander. Bardoum, ils le disent. Quand il y a un problème, et ça sort de leur bouche. Avec leur langue, Bardoum, ils disent, oh mon Dieu, il a akhir. Ça vient d'où, Hada? Ça vient d'où? Ça vient que l'être humain, fitratuhu, au fond de lui, c'est, bien sûr, c'est une créature faible, et il ressent ce besoin de revenir, de demander au Créateur. Qala, كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله وألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدتهم متشرفة لنواله؟ نعم, كأنه الصواب هنا متشوقة, نعم, من الشوق لنواله. كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرزاق وفقه الله. قال: ولا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة، لعلمها الضروري أنه وحده كاشف الشدائد فارج الكروب، لا ملجأ للخليقة إلا إليه، ولا معول لهم إلا عليه. نعم، يتأمل حال كفار قريش à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils l'ont combattu, ils ont refusé de croire en son message, ma'a annahum, ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Rabb. Lakin ils avaient un problème avec l'ibada. Ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin quand ils se retrouvaient, quand ils se retrouvaient en difficulté, ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada halul insan. Wa fil hashiya, il a cité quelques versets fi hada. Qawluhu قوله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. تأمل dans cette situation. الإنسان se retrouve en pleine mer. ثم une tempête. ثم des vagues de toutes parts. Et هو il est au milieu. Et cette situation elle est très très difficile. Quand l'إنسان se retrouve en mer dans une tempête et il voit la mort en face de lui. قال من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم. احيط بهم اي sont cernés de toutes parts. Où est-ce que tu vas te sauver? Tu ne peux plus te sauver. L'insan il est au milieu de l'océan. قال عز وجل: دعوا الله مخلصين له الدين. Dans ce cas, le mushrik qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, dans ce cas, il demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Liana Safitra le reprend dessus. Il sait très bien que dans ce cas, la statue elle ne peut être d'aucune utilité. Al-Mushrik, il sait très bien que dans ce cas, s'il dit Fulan il a akhiri, il ne peut être d'aucune utilité. Belle, on vient à une époque, Al-Mushrikoun, même dans ce cas, il pense que Al-Wali peut être utile. Ha'oula, ça montre leur égarement. Hatta bi hadha al-hal, les Mushrikou zamanina, في هذا الحال كما on a étudié ensemble dans قاعد الاربع انهم dans هذا الحال يشركون بالله. لكن si on revient هؤلاء المشركون qui est à l'époque du prophète عليه الصلاه والسلام, قال عز وجل: دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اي si tu nous sauves de cette épreuve ya Allah, on sera reconnaissant. ثم قال عز وجل: فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. هكذا حال المشرك الكافر, celui qui n'est pas reconnaissant. كم من الناس quand ils sont en difficulté, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils espèrent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand Allah subhanahu wa ta'ala il les sauve, ils oublient, ils reviennent à ce qu'ils faisaient avant, au pire. قال: فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربها وأنه النافع الضار وأن ملكوت كل شيء بيديه, وهل ينكر ذلك إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة. À la base, tout le monde acceptait cela. Tout le monde acceptait cela. أن quand tu es en difficulté, ثم والله الحمد لله porte elle s'ouvre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité. À la base, tout le monde acceptait cela, لكن كما قال الشيخ, qui c'est qui rejette هذا إلا من فسدت فطرته. Celui qui a perdu sa fitra, qui a perdu sa raison. À cause de quoi? قال بالعقائد الفاسدة وبالإرادات السيئة. À cause des mauvaises croyances, des principes complètement faux. L'insan, il pense plus qu'à l'madda, il pense plus qu'à l'argent. حتى ils ont une عقيدة الآن الملاحدة, ils disent je crois qu'à ce que je vois. Ces principes qui les éloignent de la vérité, عياذا بالله. وإلا فكمين دو شوز إن فواي با إي زي كرو كمين دو شوز كثيرة, لكن تو سا بور روجيتي لا فيريتي ويحسبون أنهم إيزون دي برانسيب أنهم إيز أفونس ألوغ كي فون كو بيرد لوغ في إيسي با إي أنكور بلوس دون لو دولا. قال: وانظر إلى فقر الخلائق إلى ربها في كل شيء, فهم فقراء إليه في الخلق والإيجاد, وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد. كذلك تأمل فقر الإنسان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقر سي لا بوفرتي. فالإتر هومان إلي بوفر, إي نو بوسيد ريان. فلهذا قال الشيخ: وانظر إلى فقر الخلائق إلى أن قال في الخلق والإيجاد. نعم, إسكو لإتر هومان إي بو كخي؟ إي بو با. دونك توي فقير في هذا الباب, تو نو بوسيد ريان. قال: وفقراء إليه في البقاء. كذلك لو فيت دو ريستي. Tu ne possèdes rien. Est-ce que quelqu'un de nous peut repousser la mort? Quand l'ange de la mort il vient et il décide de ne pas le suivre, personne. Enfin, on est des fuqara fi hadha al-bab. Qala wal rizq wal imdad kadhalik fi rizq. On fait des causes faqat. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, enfin, tu ne pourras plus rien avoir. Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. Qala wa fuqara ilayhi fi jalbi jami' al-manafi' wa fuqara ilayhi fi daf'i al-madar. Donc tout ce qui peut t'apporter un bien ou te repousser un mal, i'lam annaka tu es faqir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout. قال فهم يسألونه بلسان المقال ولسان الحال فيعطيهم مطالبهم ويسعفهم في كل مآربهم إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه. نعم. لماذا؟ لأنه celui qui est capable de tout. Quand l'insan il a besoin bien sûr العقل فضلا عن المؤمن أنه يدمد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كي possède tout. قال فكم كشف الضر والكروب وكم جبر الكسير ويسر المطلوب وكم أغاث ملهوفا وكم أنقذ هالكا ففقرهم إليه في جميع الأحوال ظاهر مشاهد وغنى عنهم لا ينكره إلا كل مكابر وجاحد. نعم. هذا c'est clair. Pour celui qui est reconnaissant, qui est juste, il acceptera هذا. أن tout ce bien qu'on vit tous les jours, c'est minallah. Et toutes ces choses qui pourraient nous toucher, qui pourraient nous faire du mal, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve. Enfin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve, qui il veut. On finit cette dernière partie. Les annahus c'est lié. Qala, wa min barahin rububiyatihi wa wahdaniyatihi jabatuhu lidda'awad fi kulli l'awqat. فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر. هذا سنبرهان عظيم أن الله سبحانه وتعالى يغيب كما تقدم أما يجيب المضطر إذا دعاه. Ça, ça montre quoi? Ça montre أن الله سبحانه وتعالى il existe. أن الله il est capable de tout. Et هذا, ça fait monter la foi du mu'min. أحيانا, tu as besoin d'une chose. Ou tu es touché par une chose mauvaise. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelques temps après. Bel ahyanan, c'est instantané. Wallah ilham, tu as cette chose. Ou ce mal, il est repoussé. Ça montre quoi? Ça montre qu'un Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Et c'est le créateur, il fait ce qu'il veut. Qala, tahsul lil ibad al matalib al kathira wa la ya'rifun laha shay'an min al asbab siwa al du'a. Khasatan anna ahyanan, kama qala al shaykh rahimahullah, la ya'rifun laha shay'an min al asbab. Sauf al du'a. Ahyanan, tu fais aucune cause. Imma par incapacité, imma manque de temps, muhim, tu ne fais pas de cause et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, tu es chez toi et tu ne bouges pas. Thumma, tu t'aperçois que, walillahi alhamd, cette chose, elle a disparu qui te faisait du mal, ou ce bien, il est arrivé. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de cause, là. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, amrana bi akhdhi al-asbab. Maintenant, celui qui veut un enfant, il doit se marier. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de cause et on se base sur cela, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, donc on lui demande, on ne fait plus les causes. Là, on doit faire les causes. Et le fait de faire les causes, ça ne contredit pas Hadal Burhan. Il y en a celui qui t'a permis de faire les causes, c'est Allah. Et le fait que tu fasses les causes, ça prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne se contredit pas, bien sûr. Qala, وَالطَّمْعُ فِي فَضْلِ اللَّهِ وَالرَّجَى لِرَحْمَتِهِ هَذَا بُرْهَانٌ مُشَاهَدٌ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُبَاهِتٌ جَاحِدٌ. نعم. بعض الناس كما أشار هنا الشيخ يزون دي جحود. بعض الناس يسافوا au fond d'eux. Ils savent au fond d'eux que c'est la vérité. Et خاصة ceux qui lisent, ceux qui s'informent. Et ils ont quelques connaissances par rapport à l'islam. Ils savent très bien. كثير منهم que c'est le haq. Il y a des choses, c'est tellement clair. Lakin, il y a une chose qu'on appelle l'i'rad ou l'juhud. Le fait de renier, de rejeter, de repousser. Yadam billah. Qala. يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم وفي طلب وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. Que ce soit pour din ou pour dunya. L'être humain demande à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. قال فمن الناس. Et là c'était la parole d'Allah عز وجل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. Ça c'est la première catégorie. تأمل أن هؤلاء يقولون فمن الناس. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala من يقول ربنا آتنا في الدنيا Cette partie du verset test vite plusieurs leçons importantes. La première, Anna Haula, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Famina nas, man yakoul, rabbana, atina fid dunya, wa malahu fil akhirati min khalaq. Donc ça montre que Haula, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Haula, hiyanan, ils sont exaucés. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il existe même un kafir, s'il subit une injustice ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui répond. Fid dunya. Donc ça montre, ça prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Haula, et c'est la deuxième leçon, annahum, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل فمن الناس من يقول ربنا donc هؤلاء reconnaissent Allah en tant que Rabb لكن c'est pas suffisant c'est pas suffisant et c'est la dernière leçon et elle est très très importante Anna, le fait de reconnaître Allah comme Rabb en tant que créateur bien sûr c'est une étape certains l'athées celui qui passe de l'athéisme il ne croit pas du tout comment il croit au créateur c'est une étape payée on doit faire des efforts pour lui montrer l'étape suivante Et c'est celle qui fait rentrer vers l'islam. Anna hada rabb, il faut l'adorer seul. Limada li anna hada yaqul, on répète, famina nas, man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Qawluhu wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ça montre que c'est pas un croyant, que c'est un kafir. Lianna, le croyant, quelle que soit sa situation, quel que soit l'état de sa foi, il aura forcément une part dans l'au-delà. Qawluhu وما له في الآخرة من خلق أي نرى أكن بعض من الأدلة صحيح حال الكافر صحيح حال الكافر أما المؤمن يلغى أن بعض donc ça nous montre أن certains qui ont cru en Allah سبحانه وتعالى comme créateur ils seront en enfer éternellement donc ça suffit pas donc il faut croire en Allah سبحانه وتعالى que c'est le créateur et l'unifier dans l'adoration كذلك on retire de ce verset أن بعض الناس ils font الدعاء pour الدنيا ils pensent qu'à الدنيا قوله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي il demande que pour الدنيا نحن ne doit pas demander que pour الدنيا bien sûr tu as le droit de demander des choses de الدنيا لكن n'oublie pas الآخرة et ton objectif ça doit être l'au-delà فلهذا قال عز وجل ومنهم أي les croyants ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ça nous montre quoi ça nous montre que demander الدنيا c'est pas interdit demander des choses de ce bas monde. لكن تأمل قوله عز وجل من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Demande les choses qui te seront profitables في الدنيا. Ne pense pas qu'à المادة. Ne pense pas qu'au matériel. Il y a des choses matérielles qui font beaucoup de mal. Demande à Allah سبحانه وتعالى ce qui te sera profitable. Ici-bas وفي الآخرة حسنة. Et كذلك dans l'au-delà. Et n'oublie pas كذلك de demander à Allah سبحانه وتعالى qui te préserve. وقنا عذاب النار. وَقِنَ عَذَامَ النَّارِ فَهَذَا ça montre que chaque mu'min il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala هذا et on n'est pas préservé c'est pour ça que le mu'min il demande هذا قَوْلُهُ وَقِنَ عَذَامَ النَّارِ ça montre qu'on n'est pas préservé est-ce que tu as une garantie que tu ne seras pas châtié tu n'as pas de garantie je n'ai pas de garantie قَالَ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا هَؤُلَاء ils auront une part de ce qu'ils ont œuvré et la cause qu'ils ont faite فهذا يتعلق بهذا الدرس فالحمد لله استفدنا إلى prochain cours demain inshallah on continuera نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد